طيب يا عبد الملك، الترجيح في مسألة العذر بالجهل ما هو؟ الترجيح هو أن إقامة الحجة شروط. شرط أي نعم، شرط نعم، حسن. صحيح في هذه المسألة أنها شرط، لا يجوز إنزال الحكم إلا بها، إلا في مسألتين اثنين. ما هي؟ ما هما؟ أي من يسب الله أو ماذا يستهزي بالله أو شيء من شرعه أو رسوله. هذه هاتين المسألتين وما ألحق بهما، هناك ماذا يفعل؟ نعم، نعمل بالقرائن، نعمل بالقرائن. إذا وجدت قرائن قوية فنعمل بها، وإن لم نجد القرائن ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل، إقامة الحجة. نعم نعم، وهي مسألة خلافية، وتجد ربما من يشد في هذا الباب ويقول يعني لابد من إقامة الحجة، أو من يقول لا إقامة الحجة في ذلك الأمر. نعم طيب، donc hier on avait pas lu عند قوله على الباج 24، والتحقيق يعني en gros c'est le résumé de la مسألة qu'on a vu. والتحقيق، طيب قبل هذا، من العلماء الذين هم يقولون بعدم العذر بالجهل؟ أو أنت عبد الملك قد أجبتني يحيى، من العلماء الذين يقولون بعدم العذر بالجهل؟ عدم العذر بالجهل، عدم سي انغو يا با دو ايلي با اسكوزابل شيخ ابن باز، احسن. ومن يا بهن؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. ومن؟ ها طيب، شيخ محمد بن عبد الوهاب، واللجنة الدائمة، وشيخ الفوزان، وكثير من المشايخ هم على عدم ماذا؟ العذر بالجهل في المسائل الظاهرة. نعم. ومن من العلماء الذين هم أجازوا أو قالوا يعذر بالجهل؟ الشيخ الألباني، الشيخ الشنقيطي، الشيخ العتيمين، والشيخ مقبل، وكذلك شيخنا يحيى. نعم. لكن هناك تنبيه مهم، سكسوكي يديز يعذرون بالجهل، يعني quand ils disent il est accepté par son ignorance, ils sortent toutefois une image, c'est-à-dire il est ignorant mais il n'a pas envie d'apprendre, c'est-à-dire que il sait qu'il est ignorant et il sait que par exemple dans tel endroit il y a d'autres ilmi et lui il va aller bien. Enfin, tous ces ulama là sur cette surah là, ils disent qu'il n'est pas la ghir ma'dour bil-jah. Pourquoi? Parce qu'il est mufarrat. Parce qu'il est négligent. Il n'a pas cherché à apprendre. Et ça aussi, on va le voir dans le dernier des nawaqid. Celui qui se détourne de la science tamam. Il veut ni apprendre la fatiha, comment comment lire la Fatiha, ni apprendre comment faire la salat, ni apprendre comment faire kala, ala kufra. Tamam. طيب والتحقيق أن إقامة الحجة يتوقف عليه الحكم على المخالف سواء كان في المسائل الظاهرة أو الخفية لعموم الأدلة في ذلك ولعدم وجود دليل صريح صحيح صريح يعارضه إلا في مسألتين وما ألحق بهما فخوندي وما ألحق بهما وندي يعني donc on est obligé de faire comme le hujja si ce n'est dans deux points dans deux masael dans deux points et dans ce qui est comparable à ces deux points sabbullah wa al-istihza bid-din pourquoi pour faire entrer aussi les paroles d'ilhad les paroles qui sont claires dans l'égarement quelqu'un vient dit ana rabbuk je suis ton Seigneur, je suis le Seigneur de l'univers. Alors, dans tous les cas, ça rentrera quand même dans Sabbillah, mais min dahir, dans un regard global, tu vas voir que c'est une kalam, c'est de l'insulte, c'est une insulte envers Allah Azza wa Jalla qu'une personne a dit ça. Même si c'est pas direct. Alors, c'est-à-dire c'est pas direct, mais ça rentre dans l'insulte. Pareil, si elle dit que... Hein? Oui, okay, voilà, quelqu'un qui s'appelle Allah, il dit, ouais, mon prénom c'est Allah, c'est Allah. Alors, ou des choses comme ça, c'est de l'ilhad. Quand on dit ça, ça veut dire que ces deux mas'ala, et tout ce qui est comparable à ces deux points, ça rentre dedans. Ça va? Ça veut dire que si tu vois quelqu'un, il dit, je suis le Seigneur de l'univers. Là, comment est-ce que tu t'amènes? Si tu es quelqu'un de ilm ou qu'est-ce que tu t'amènes? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il dit ça sous la contrainte? Tu vois, avec les qara'in, si tu vois là, que les qara'in, ils montrent qu'il dit ça d'une manière... vraiment, il est sérieux. Ouais, voilà, il est sérieux et... personne l'a forcé ou quoi qu'est-ce, ça a là, le cas par Baal Zal. Est-ce que dans tous les cas, on a besoin que ce soit des gens qui sont vraiment dans la ligne pour dire que les 7 personnes sont intéressées? C'est des gens, par exemple, ils vont se prosterner devant Ostama. Ouais. Ils prétendent être musulmans. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de demander à quelqu'un qui est élevé dans la science pour pouvoir dire lui, c'est un peuple? Yanni, élevé dans la science, c'est pas un chef. لكن كيلي دا سيونس فوالا متمكن هذا هو كيلي دا سيونس لابد دون تو ليكا باسكو لا سي مسألة تكفير المسلمين والتبديع والتفسيق هذا لا يرجع الى عند العلماء ولا اهل العلم نعم اما إقامة الحجة كي تولي دي واه اتونسيون سا سي دو شيرك و سا سي كذا سا سي با une condition que ça soit de fait par établi par des gens de science. Mais si une personne par exemple a dit sa prière depuis de 1 an et a dit je ne veux pas faire parce que c'est l'appareil, je connais c'est du dîme. Elle a dit je ne veux pas faire parce que j'ai pas envie. Elle n'a pas besoin de. Pour dire que c'est un café, elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de science sur ces choses-là. Par exemple, elle ne veut pas faire la salade, elle reconnaît que c'est partie du dîme, mais elle dit j'ai pas envie. Comme ça. Après, c'est une mesela Tarek Sarah. C'est une masala khilafiyya, selon entre les savants. Il y a des savants, ils disent que Tariq Salah, Takasula, la yakfa. Hada shay. Ça veut dire que la personne, si elle voit l'autre avis, déjà c'est difficile de la faire sortir de ça. Tu vois ce que je veux dire? Thumma thaniyan, il faut bien qu'on sache que ces points-là qu'on va voir dans l'Aqida de l'Islam, c'est des points où il y a un ijma'. Tous les points qu'on va voir de l'Aqida de l'Islam, c'est ajma'u fihi l'umma. Ma wa nakhlaf. Ça, c'est l'asr. C'est les Aqida, ça, c'est les Aqida qui font sortir de ça. Par exemple, là, on va voir dans pas longtemps, Inch'Allah, que celui qui ne rend pas mécréant, le mécréant, c'est un mécréant. Tamam. ما معنى هذه القاعدة؟ C'est quoi le sens de cette règle? C'est que celui dont la mécréance est pure, yani limpide, il n'y a aucun khilaf là-dessus. مثل فرعون همان وابو جهل وابو لهب والكفار بشكل عام الذين يموتون على الكفر فهذا لا يصلح ان تقول النصارى ربما يسون في الجنه واليهود ربما في الجنه هذا الكلام الا اذا كنت تقصد الذين يعني يتبعوا انبياءهم من بني اسرائيل او من النصارى فنعم أما النصارى الذي ذكره رب العزة والجبروت في القرآن فهؤلاء لا بد أن تثبت أنهم في النار تمام هذا مفهوم أصلا سيأتينا في هذا الكتاب لكن لو نأتي عند مسألة تارك صلاة طيب أنا ما أرى القول بتارك صلاة كافر وعثمان يرى أن تارك صلاة كافر إيش يقول فيه Est-ce qu'il va dire, bon, toi, comme tu ne rends pas un mécréant, le mécréant, alors tu es un mécréant. Ça ne rentre pas là-dedans. L'imada, li anna hada, mesala, khilafiyya. Wadi, kulluha, wadih. Araftum? Taïb. Qala, al-istihza billah wa shar'i, wa au sab billah wa shar'i. Fahuna, قد يعمل بالقرائن الواضحة الجلية ويطلق الحكم على ما تدله هذه القرائن أو العكس وإن عدم القرائن فيرجع إلى قيام الحجة حتى يتيقن من انتفاء العذر كما نجي si on a pas de قرائن si on trouve pas d'indice alors là on revient Qiyam al-Hujjah jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucune excuse. Intifa. Intifa al-Udr. Fala nufarriq bayna al-masa'il al-zahira wa al-masa'il al-khafiyya. Wa hada kalamun la budda an tafhamu. Lianna al-ulama, ils sont là, ils disent, enfin ils sont sur le qawl. La plupart des ulama sont sur le qawl que les matériels qui sont zahira, qui sont clairs, là, la yu'daru fihi bil-jah. Tamam? Les matériels zahira. Et juste après, min bab al-fa'idah, on va voir c'est quoi les matériels zahira et les matériels al-khafiyya. Lakin, fala nufarriq, bain al-matériels zahira wa al-matériels al-khafiyya. On ne fait pas de différence en vérité entre les masail al-bahira ou les masail al-khafiyya. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de les réglementer. De réglementer c'est quoi une masail al-bahira et de réglementer une masail al-khafiyya. لأن الحكم على الأمر بأنه واضح ظاهر بأنه واضح ظاهر أو خفي أمر نسبي إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال نعم pourquoi parce que le fait que tu dises ça c'est une masala qui est claire limpide pure et que tu dises ça c'est une masala ambiguë il y a des ça c'est une affaire nisbi c'est un nisbi c'est-à-dire ça va... c'est pas une affaire globale c'est-à-dire ça va dépendre de certaines personnes chez certaines personnes ça c'est une affaire clair, merci. Mais chez d'autres, ça c'est pas clair. Ça aime tout. Ça c'est pas clair. وهذا قول الشيخ العثيمين. قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في لقاء باب المفتوحة أو باب المفتوح. الظهور والخطأ أمر نسبي. يعني l'apparence claire d'un point ou son apparence ambiguë, ça c'est une affaire qui est nisbi, c'est-à-dire qui est attribué à certains. Qui dépend de... Ouais, ça dépend. Ça dépend. De ça, ça dépend des personnes. Chez une personne, tu vas la trouver claire. Chez une autre, tu vas la trouver ambiguë. نعم. وقد تكون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند غيري. فلا بد اذا من اقامه الحجه وعدم التسرع. هذا الشيخ العثيمين كي بعد يدي دونك ان غرو تي بروند سيت بارول دو الشيخ العثيمين ما نفرق اون فيت با تفرق انتر المسائل الظاهره والمسائل الخفيه فوكو اون فيت با تفرق انتر لي دو ايوه لان هذا امر نسبي c'est une affaire en fait qui diverge d'une personne à une autre comme on va le voir sur dans les exemples inchallah طيب قال والحقنا مساله سب الله بمساله الاستهزاء قياسا ولمشابهتهما في اصل المعنى والعمل بالقرائن طيب والعمل بالقرائن مشروع وجمهور الفقهاء على أن القرائن حجة يعتمد عليها في الإثبات مستدلين في ذلك بقوله تعالى وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين كما في سورة يوسف. Ça c'est pour prouver que le fait d'utiliser les indices c'est bel et bien permis et de s'appuyer sur des indices c'est permis. نعم وقوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Donc ça c'est Yaqub lorsque ses enfants sont arrivés avec le vêtement de Youssouf rempli de sang. نعم il a vu qu'il n'y avait pas de traces de morsure ni rien, juste du sang dessus. Avec ces indices-là, il a affirmé que c'était des menteurs. Ou qu'ils étaient en train de forger un mensonge. بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ. وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ تَقُولُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ أو مَا لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يَنْسَخُهُ. نعم. Et comme on a vu hier, c'est-à-dire la règle qui dit que la législation des gens d'avant est une législation pour nous du moment qu'il n'y a pas un hadith ou un dalil qui vient l'abroger. Wa hadith la tunkihu al-ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkihu al-bikru hatta tusta'dana. Qalu ya Rasulullah wa kayfa idhnuha. Donc la femme La femme qui a déjà été mariée ne se marie que par son accord. Et la femme vierge ne se marie, ne doit être mariée qu'avec sa permission. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on connaîtra sa permission. Faqala an taskuta, c'est-à-dire lorsqu'elle ne parle pas. Yani, elle fait preuve de simt, silence. Voilà. Le hadith est متفق عليه. هذا الحديث يدل على ماذا يا عثمان؟ Ce hadith il indique quoi? Ce hadith là, qu'est-ce qu'il indique? Ah, les indices. Voilà. Ah, parce que Adjimi en. Voilà. Voilà. En fonction de son silence est un indice sur son agrément. نعم وهذه من أقوى الأدلة في العمل بالقرائن طيب نعم والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكوت قرينة أو قرينة على الرضا والموافقة على الزواج. Donc Allah le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait que le silence de la femme là c'est un indice qui montre l'agrément ainsi que son consentement pour le mariage. نعم. وكذلك حديث الولد للفراش والعاهر وللعاهر الحرج الحجر عفوا الحجر. C'est aussi le hadith qui dit l'enfant sera affilié au lit, al firash. Et pour celui qui a fait zina, la pierre. Celui qui a fait zina, la pierre, c'est-à-dire la lapidation. Et l'enfant sera affilié au lit, c'est-à-dire, si par exemple, on doute, un homme, Zayd, il est marié avec Foulane. Vous voyez, d'un seul coup, Fulana, elle a un enfant, mais on sait que Fulana, elle a fait zina avec un tel. Ça y est, on ne sait pas si l'enfant est risqué. Ça va ? À qui on attribue l'enfant ? À Zayd. Au mari. Pourquoi ? Parce que l'indice premier, c'est le firash. C'est le fait que c'est sa femme, ça, c'est quand on dit le firash, c'est-à-dire la femme, l'épouse. Non. Donc, par rapport à cet indice, même si c'est ceci, même si il a une ressemblance forte avec le celui qui est accusé de zina. Non. Même s'il a une ressemblance forte, comme c'est venu dans le hadith du frère de Saouda. Le frère de Saouda, il était venu se plaindre au prophète, alayhi salatu wa salam, que Abdurrahman ibn Abi Waqas, ou Abdurrahman ibn Auf, yani un des deux compagnons, ils se sont disputés sur un enfant. L'un, il a dit, c'est mon frère. L'autre, il a dit, c'est mon neveu. C'est le fils de mon frère. Et le prophète, quand il est venu, il a vu l'enfant et il a vu qu'il avait une ressemblance claire avec celui qui disait que c'est son neveu. Vous voyez ? Mais le frère de Saouda, qui est la femme du prophète, lui, il disait que c'était son frère. C'est-à-dire le fils de son père. Donc le frère du coup de Saouda. Le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, alors cet enfant-là, il est pour la famille de Saouda. Alors que le prophète Hassan, il a vu une apparence claire pour l'autre camp. Et il a dit ce hadith. Lil-mada, al-waladu lil-farash, walil-hajar, walil-ahir, والعاهر c'est le zan al-hajar, yani en gros il a rien du tout, tu vois, on lui attribue rien, ça va. Et qu'est-ce qu'il a demandé ensuite au prophète sallam, puisque du coup le prophète sallam il a vu quand même une ressemblance avec un tel, donc il a dit à Saouda, qui est sa femme, de se couvrir devant cet enfant. Donc cet enfant, on l'attribue à leur famille, comme quoi c'est le frère à Saouda, mais il lui a demandé de se cacher devant cet enfant. Donc tout ça pour montrer que, c'est dit, « Yu'mal bil qara'a », on peut œuvrer avec les indices. « Wa wajhu d'dalala anna firash al-zawjiyya al-sahiha qalilatun ala shari'ati l'ittisad wal-mukhalata » فيكون الولد للزوج ويثبت نسبه من أبيه نظرا لأن الغالب في الأحوال أن الفراش لا يكون إلا عن طريق العقد الصحيح فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينة مستمدة من الأعم الأغلب في الأحوال. Donc le prophète, comme à la base, l'enfant, il ne provient que... normalement, la base, c'est que l'enfant, il provient d'une relation entre l'homme et sa femme officielle. Donc, partie de cette base-là, cet indice-là, le prophète, il a attribué l'enfant au firaf. عن عدد من الصحابة فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل من تقيأ الخمر علامة على شربها بحيث كان يقئ القي بحيث أن القي قرينة قاطعة على الشرب. إذن عثمان بن عفان comme on l'avait cité précédemment, et d'autres parmi les sahabas, ils avaient l'habitude d'œuvrer avec les indices. Donc si vous voyez quelqu'un qui vomissait, qui vomissait de l'alcool ou quoi, il savait forcément qu'il avait bu avec cet indice-là, même s'ils n'ont pas vu boire, même s'ils n'ont jamais vu une bouteille de vin dans sa main. Non. Othman, il leur donnait la sentence du had. Sauf que s'il vomit, il avait l'odeur de l'alcool. Non. Non. هذا يقول من تقي يعني جعل من تقي الخمر celui qui vomit du vin, c'est-à-dire c'est clair aussi que c'était du vin. C'est vrai que tu peux vomir d'autres choses. طيب وحكى الإمام ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على العمل بالقرائن. Donc on a évoqué le dalil min al-Qur'an, le dalil min al-Sunna, et maintenant l'ijma' d'Ibn Qudama, ala annahu yu'mal bil qara'in, qu'on peut œuvrer avec les qara'in. طيب. والقول أن القرائن ليست حجة ولا يعتمد عليها في الأحكام قول ضعيف. Et ceux qui disent que les indices ne sont pas une hujja, ce n'est pas une preuve, c'est une parole qui est faible. Qawlun da'if. Ma zakart. Ah, min al-asr, ma alam ahadan yaqul bi hadha al-qawl. Yani yu'mal bil qara'in? La yu'mal bi. Yani min asrina, fi ulama ibn al-asr. ما علم أحد أن يقول بهذا، لكن وجد يعني نسيت هل هو أبو حنيفة يرد العمل بالقرائن، لكن أنا متأكد، لكن في أناس ردوا، يعني il y a des gens parmi les salaf qui ont réfuté le fait qu'on œuvre avec les قرائن. طيب فهو قول ضعيف ومبني على أن ذلك من الظن والتخمين. Pourquoi? يعني cette parole là elle est construite sur quoi? Sur le fait que les qara'in, les indices, ce ne sont que des pensées et des suppositions. Donc ils ont dit ensuite وقد نهى الله تعالى عن عمل الظن في قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit dans ce verset qu'on œuvre avec le ظن. وما يتبع أكثرهم إلا ظن. Et la plupart d'entre eux ne suivent que des ظن, que des pensées. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Et certes, le ظن ne dispense pas de la vérité. Et certes, la pensée ne profite en rien de la vérité. À la vérité. Et certes, la pensée ne profite en rien à la vérité. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Donc eux, ils ont avancé ces preuves-là pour réfuter le fait de vrai avec les qara'in. ويجيب عن ذلك بأن الظن المذكور هو الضعيف الذي لا تبني عليها الأحكام. Et on répond à cette parole-là, que le but visé dans l'ayah, إِنَّ الظَّنْ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. La pensée, comment tu dis, Al-Tarahman, la pensée ne profite en rien à la vérité. Que cette pensée-là, c'est celle qui est faible. Tu vois? C'est celle qui est faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, elle n'a pas vraiment d'indice fort. Nous, on parle dans ces matériels-là des indices qui sont forts. Mais si ces indices sont faibles, فلا يصلح. نعم. ودليلنا في ذلك أن الظن نوعان بدلالة قوله تعالى إن بعض الظن إثم. Allah سبحانه وتعالى dans ce verset, on comprend de ces paroles parce que Allah سبحانه وتعالى dit إن بعض الظن إثم. Une partie du ظن est un péché. Ça veut dire que l'autre partie halal an dulal. ça veut dire que l'autre partie est permise. Non. Donc c'est quoi les dames qui est interdit? C'est celui qui est faible. Il n'est pas basé sur des preuves qui sont solides. D'accord? فمن الظن ما تنبني عليه الأحكام هو الظن هو الظن الضعيف ومنه ما تنبني عليه الأحكام ولا شك أن القرائن ولا شك القرائن القاطعة التي تفيد الظن أو تفيد ظنا راجحا يحتج بها والفقراء جميعا يعملون بالظن الراجح في الأحكام العملية. نقصت مسألة انتهينا من هذا المسألة العظيمة. و qui sait qui peut nous faire un bref ملخص de ce qu'on vient de dire اليوم؟ يا باهن ها؟ طيب c'est qui peut nous faire un petit moulakhas de ce qu'on vient de lire là ce matin ou là non? Hein? Aïe ça. Oui, moulakhas. Il y a du un amal de la Qur'an. Non. Et قبل ذلك, يعني مسألة العذر بالجهل. الصحيح في أن الشخص يعذر بالجهل إلا في مسألتين اثنين. سب الله والاستهزاء فكل يعني وما ألحق بهما اسكي كومبارابل سلا طيب فإذا قلنا لا يعذر بالجهل في سب الله بمعنى ماذا نكفره مباشرة لا المعنى أننا ننظر إلى القرائن ننظر إلى القرائن طيب إذا جاءك واحد يقول لك كيف ننظر إلى القرائن في مسألة تكفير وفي مسألة فيها يعني عظام وأنت تبني الأحكام على الظن لأن القرائن من الظن فنحن نجيبه بأن العمل بالقرائن أمر مشروع سورة يوسف يعقوب لما نظر إلى القميص وإلى بيك يبي باد باد يعني يبي الدم ما يبي باد تخاف بمخصور Il a dit, sawwalat lakum anfusakum. Yani ça c'est un mensonge que vous avez parlé. Directement, même sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il a œuvré avec cet indice. Et quand la femme de l'Aziz, elle a déchiré le vêtement de Youssef, hein, ils ont dit, s'il est déchiré par derrière, ça veut dire qu'elle ment. Ça veut dire qu'elle ment et que c'est lui qui dit la vérité. S'il est déchiré par devant, ça veut dire qu'il dit qu'elle dit la vérité et que lui ment. Direct, ils ont hakam bimada bi ashia bi sabab al qara'in. Non. Et comme on a vu la règle, la législation des gens d'avant, c'est une législation pour nous, du moment qu'il n'y a pas de choses qui l'annulent. Pareil, min al sunnah. C'est quoi la adilla min al sunnah qu'on peut œuvrer avec les qara'in? Al sunnah. La bic. Le prophète Hassan a dit la femme déjà mariée ne peut pas être mariée sans son consentement ou son accord. Et la femme vierge ne doit pas être mariée sans sa permission. Et on lui a demandé c'est quoi la permission de la femme vierge? Et il a dit qu'elle se taise, qu'elle fasse preuve de silence. Donc le silence, c'est un signe. Et c'est une preuve sur quoi? Sur le fait qu'elle est. Qu'elle agrée le mariage. N'aim. Et comme ça, le travail des sahabes, et comme ça.